Kigira. Avec Alphonse Kubwimana et Dorine Uwimana qui assurent la mise en onde. Vous écoutez la radio Isanganiro en même temps depuis Bujumbura, la capitale économique, où il est 12h55 à la même heure au bureau communal et administratif d'enseignement à Rumonge. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici d'abord les grands titres. Le trafic humain préoccupe le ministère de la Sécurité publique. Le commissaire de police chef Alain Guillaume Mbugnoni l'a annoncé. Ses préoccupations, c'était ce lundi lors de la présentation des réalisations trimestrielles, vous l'entendrez tout à l'heure. Et c'est ce mardi que la nouvelle équipe de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme a prêté serment devant le numéro 1 Burundi, les chambres basses et hautes du Parlement. Les nouveaux membres jurent fidélité et impartialité, vous en aurez les détails tout à l'heure. À Lumonge, c'est l'administration communale et le directeur communal d'enseignement qui se jettent la responsabilité sur le manque criant de pupitres qui s'observe dans cette direction scolaire, où il arrive que les élèves s'assoient par terre. Et dans la chronique santé de ce mardi, vous en avez l'habitude, le cancer du sein est encore une fois au rendez-vous. Voilà pour les grands titres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, sécurité pour débuter cette édition. Une vieille femme de plus de 70 ans nommée Judith Nzeimana de la colline Kirambi en commune Lusaka de la province Mwaro a été retrouvée décapitée dans sa maison au cours de l'après-midi de ce lundi. Les sources provenant de cette colline et confirmées par la police à Mwaro disent que ses agresseurs l'ont décapitée et lui ont donné un coup de massue au front. Ils n'ont rien volé ni de ses deux vaches ni de ses biens ménagers selon les mêmes sources. Le chef de la colline Kirambi, Salvatore Sahabo, dit que ce ménage avait été la cible de cas de vol trois fois successives au cours de ces trois derniers mois. Toujours en page sécurité, des cas de vol, la consommation et la commercialisation de stupéfiants et surtout l'abandon des familles ont été les principales causes de la perturbation de la sécurité dans ces trois derniers mois. Le commissaire de police chef Alain Guillaume Mbugnoni, ministre de la Sécurité publique, déplore aussi la persistance des cas de trafic humain qui s'observent toujours au Burundi. Il a déclaré ce lundi lors de la présentation des réalisations de son ministère au cours de ces trois mois écoulés suivis. Il y a eu des cas qui interpellent beaucoup plus notre attention. Notamment, il y a des cas d'assassinat, 54 cas d'assassinat, 11 cas de trafic d'êtres humains. Cela aussi nous interpelle. Les cas vont en diminution. Il requiert encore beaucoup plus d'efforts pour ramener à zéro des cas de trafic d'êtres humains. Il y a 127 cas d'abandon de famille. C'est comme une injure pour notre chère patrie, le Burundi, où il y a des hommes irresponsables qui abandonnent leur famille. Des fois sans destination connue, la plupart des fois au profit de leur maîtresse. Il faut beaucoup d'efforts dans la sensibilisation, dans l'éducation civique et familiale aussi, mais aussi dans le cadre de la prévention et de la répression aussi pour que les gens reviennent à l'ordre. Donc ça nous interpelle aussi pour ces cas d'abandon de famille parce que ça cause un préjudice énorme au niveau de l'économie, au niveau du social, de l'éducation des enfants, pour la famille et pour le pays aussi. Et face à cette criminalité, nous noterons en particulier qu'il y a eu plus de 4300 fouilles perquisitions qui ont été effectuées à travers tout le pays et qui ont donné comme résultat l'arrestation de 1871 criminels. Il y a eu saisie des armes, des munitions. Il y a aussi cette persistance de production, de consommation et de vente de boissons illicites. Et il y a eu aussi cette persistance de consommation de stupéfiants et surtout de cannabis ou 107 kilos aussi saisis pendant que 115 plants de chanvre ont été détruits. Le commissaire de police chef Alain Guillaume Mbugnoni, le ministre de la Sécurité publique et de gestion des catastrophes. Droit de l'homme à présent, prestation de serment de 5 nouveaux membres de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme devant le président de la République et les deux chambres du Parlement ce mardi. Tous ces membres jurent fidélité et impartialité dans la promotion et la protection des droits de l'homme au Burundi. Cette commission est présidée par Sixte Vigny Nimuraba et Consolat Abunimana étant son vice-président Moïse Misako. Devant le président de la République, devant le Parlement, À tour de rôle, la main droite en haut, la gauche tenant les deux drapeaux, celui de la nation et celui de l'unité, ces membres prêtent serment devant le président de la République et le Parlement burundais. Ces cinq nouveaux membres de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme jurent accomplir avec fidélité leurs responsabilités, entre autres la promotion et la protection des droits de l'homme au Burundi. Sixte Vinyini Muraba est le président de la CNIDH. Devant le président de la République, devant le Parlement, moi, Dr Sixte Vinyini Muraba, membre de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, je jure de remplir fidèlement et en toute indépendance et impartialité mon mandat, de ne me laisser jamais guider par aucun intérêt partisan et de me consacrer entièrement à la protection et à la promotion des droits de l'homme dans le strict respect de la Constitution de la République du Burundi, de la Charte de l'Unité Nationale et d'autres lois en vigueur. D'autres membres qui ont prêté serment, c'est le vice-président de cette commission à la personne de Consolat Habonimana, Anatole Bachanamo, secrétaire, et deux autres membres de cette commission, à savoir Jacques Nshimirimana et Janvier Hatungimana. Merci Moïse Misago. Pour rappel, l'ONU a rétrogradé le statut de la CNDH. Elle a perdu son statut A au mois de mars 2018, un label donné aux commissions nationales qui ont prouvé leur indépendance par rapport au pouvoir en place selon les principes internationaux signés à Paris. En page politique à présent, dans la série de projets de société des partis politiques, le Parti pour la paix, la justice et le développement, PAJUD, met en avant la paix pérenne. Le président de cette formation politique, Pascal Nkunzumwami, souhaite en outre instaurer une justice indépendante. Il ajoute que son parti PAJUD, Inhadzimiza, compte développer le secteur agro-pastoral. Suivi. Vous savez très bien que sans la paix, on ne sait rien faire de bien dans un pays. Il y a un bon exemple. Quand il y a des fusillades, des bombardements, même le chien le plus aboyant saute. C'est pour ça que le PAJUD met en avant la paix. Et quand nous parlons de la paix, nous mettons dans deux phases. Il y a la paix immédiate. C'est la lutte maintenant contre le banditisme, contre les voleurs, contre les bandits, contre les petits assassins. La deuxième phase, c'est la paix pérenne, la paix à long terme. Là, c'est quoi? Il faut mettre ensemble une bonne gouvernance. Il faut préparer des bonnes élections pour que quelqu'un qui se croit lésé ou mis à l'écart ne prenne pas l'initiative d'aller vouloir prendre le pouvoir par les armes ou bien par la force. Il faudrait préparer un système électoral juste, équitable. Le deuxième point après la paix, c'est la justice. Nous insistons sur la séparation des trois pouvoirs. Quand vous êtes le patron de l'exécutif en même temps et que vous nommez le chef du judiciaire, il est très difficile que la justice soit indépendante. Quand nous parlons de la justice aussi, c'est quoi? C'est l'équité. L'équité, c'est l'égalité de tout le monde et devant la loi. Comment comptez-vous instaurer cette justice indépendante? Ça doit être bien figuré dans la Constitution. C'est-à-dire le chef, le pouvoir judiciaire, doit choisir le numéro un, qui doit être le numéro un du pouvoir exécutif. Par le développement, chaque pays a ses potentialités propres. Par exemple, la province Cibitoke, c'est cette région est prospère en banane. Le parti PAJUD va développer par exemple à Cibitoke la banane. Le long du lac, les gens vivent de la pêche, il faut mettre en avant le développement de la pêche. Mumugamba, dans le temps, c'était l'élevage, il faut voir comment développer cet élevage. Et là, quand nous développons, il y aura exactement l'autosuffisance en banane à Cibitoke, mais il y aura les ventes de cette banane et l'État doit percevoir des taxes qui vont directement entrer à l'OBR. Et chaque commune, chaque zone doit faire son budget de fonctionnement et l'État doit savoir comment répartir les ressources provenant de différentes communes pour que chaque commune puisse développer exactement les infrastructures sociales. Ça, c'est ce qu'on appelle la péréquation. Il faut faire des relations avec les pays voisins. Donc, il faut des bonnes relations avec les pays voisins et les bailleurs de fonds. Et qu'est-ce qui garantit la mise en application de ce projet de société, surtout sur le plan du développement? Non, la garantie, c'est que ces ressources existent. Il suffit uniquement de mettre la pratique de la bonne gestion, de bien gérer les potentialités propres de chaque pays sur place. Maintenant, est-ce qu'il y a une bonne politique pour dire, voilà, le long du lac Tanganyika, je développe pas uniquement, surtout la pêche. C'est ça qu'il faut mettre en place. Et surtout, cette notion de péréquation verticale. J'entends que telle commune perçoit des taxes. Est-ce que ces taxes reviennent dans la population pour développer les infrastructures sociales? C'est ce qu'on appelle le vrai social. C'était le président du parti, Pajidé. Et tout à l'heure, on va passer en page éducation. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Vous écoutez la radio Isanganiro. Je vous rappelle qu'il est à présent 13h07. Vous pouvez nous écouter via le www.isanganiro.org, mais également en live sur Facebook. Écrivez Isanganiro Burundi et n'oubliez pas de liker. Rassembler les idées des responsables des universités, tant publiques que privées, pour que ces dernières fassent objet d'échanges lors des prochains états généraux sur l'enseignement supérieur dans les jours à venir, c'est l'un des points à l'ordre du jour de la réunion d'échange tenue ce mardi par le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique à l'intention des recteurs d'universités publiques et privées. Une des revendications des représentants des universités, surtout privé, et de considérer les universités au même pied d'égalité. Les détails avec Evariste Ndikobanyanga qui a suivi cette réunion. Cette réunion d'échange entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les représentants des universités avait comme objectif principal d'examiner les défis qui hantent ce secteur. Les états généraux sont en cours de préparation pour analyser ces défauts. Le ministre Gaspard Banyangimbona dit attendre certaines recommandations de la part de ses recteurs d'universités présents dans cette réunion qui feront objet de discussions lors de ces états généraux. On voulait annoncer aux responsables de ces institutions qu'il y a une retraite. Il y a une promesse de retraite gouvernementale dédiée au système éducatif et qu'on voudrait que s'ils ont un message particulier à transmettre, qu'ils nous le donnent, mais que ce message ne soit pas à sens unique, qu'il soit accompagné également d'un engagement de ces institutions pour la mise en œuvre, disons, du plan national de développement du Burundi 2018-2027. Les représentants des universités disent être satisfaits du dévouement du ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour tenter de trouver solution aux problèmes qui minent ce secteur de l'éducation. Cela étant, les recteurs des universités privées s'indignent des mesures sont prises à l'endroit des universités privées, ajoute-t-il. Bivouziman a protégé Jafet et le directeur des recherches à l'université UNILAC. Il demande qu'au sortir des prochains états généraux, toutes les universités soient mises au même pied d'égalité. C'est un défi général, c'est justement ce problème qui est général à toutes les institutions privées. Et c'est notamment lié à répondre aux exigences du ministère de l'enseignement supérieur. Mais on essaye, comme tous les autres, de faire notre mieux pour que justement nous puissions entrer dans la logique de bien travailler et de collaborer avec le ministère de tutelle. L'université UNILAC est l'une des universités privées interdites depuis l'année académique en cours d'enrôler les candidats des premières années. Merci Evariste Nzikobanyanga qui tombe Bujumbura pour aller à Lumonge. Parlons également éducation et manque criant de bancs pupitres s'observait toujours dans certaines écoles de la commune et province de Lumonge. Et cela malgré l'appui annuel apporté par la commune dans son secteur, l'administration communale et la direction communale de l'éducation sont rejetées la responsabilité. Entre-temps, ce sont les apprenants qui en payent le prix, obligés de s'asseoir à même le sol pendant les évaluations. Jean-Pierre Misago, correspondance. Les élèves s'asseyent encore par terre, même lors des évaluations dans certaines écoles de la commune Lumonge, suite à un manque criant de bancs pupitres. Pourtant, la commune contribue dans la fabrication des bancs pupitres en utilisant de l'argent de 500 millions que le Fonds national d'investissement communal, FONIC en sigle, alloue annuellement à chaque commune du Burundi. Certains parmi les parents disent ne pas comprendre le phénomène. Et certains membres du conseil communal de Lumonge évoquent une répartition partisane de ces bancs pupitres avec un surplus dans certaines zones comme Buruhukiro, un surplus qui doit être récupéré pour être redistribué aux plus nécessiteux et réparer ce qu'il y a à réparer. À ce sujet, Rémi Ndeikenguru, qui est directeur communal de l'éducation, de la formation technique et professionnelle en Lumonge, dit ne pas être associé dans la distribution de ces bancs pupitres. Il dit cependant que ces bancs ne font pas long feu et la passation des marchés dans son secteur devrait être revue selon son responsable scolaire. De son côté, Ferdinand Nyokindi, conseiller technique au développement de la commune Rumonge, dit que la réception de ces bancs pupitres est publique et ils sont distribués selon un plan fourni par cette direction communale de l'éducation. Quant à leur qualité, Ferdinand Nyokindi dit que les bancs pupitres commandés sont à la hauteur des moyens financiers dont dispose la commune. Les plus résistants coûteraient en effet plus cher et leur petit nombre viendrait à bout de peu de besoins exprimés dans son secteur. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Nom du pays, 51 tonnes de vivres de différentes variétés ont été collectées par les populations de 9 communes de la province Ngozi en vue de venir en aide à la population de la province voisine de Kirundo, menacée par la famine. C'est essentiellement composé des graines de maïs et de la patate douce, de la farine de manioc, des morceaux secs de manioc, de haricots et autres. Ce don a été acheminé ce mardi par une délégation conduite par Albert Nduimana, gouverneur de la province Ngozi. Entre-temps, 70% des enfants burundis vivent dans des ménages pauvres, tandis que plus de 58% des enfants souffrent de la malnutrition. Propos de Faustin Ndikumana, directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Dans un point de presse de ce mardi, il a précisé également que lorsqu'un pays atteint 40% de la malnutrition, l'Organisation mondiale de la santé lance un cri d'alerte. Tout de suite, la chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. La mammographie est un examen clé pour le dépistage du cancer du sein. Le gynécologue Gabriel Nahai explique également qu'à partir de la chirurgie, un traitement de cette maladie est possible, malgré qu'au Burundi, ce n'est pas encore très spécialisé. Dans notre précédente chronique, nous avions parlé qu'une tumeur au niveau du sein est l'un des signes de cette maladie. Docteur Gabriel Nahayo fait appel à toute femme âgée de 40 ans et plus de faire une mammographie tous les 2 ans. Ornella Mucho. La mammographie peut être faite par présence ou pas de symptômes du cancer du sein, comme l'explique le gynécologue Gabriel Ndouayo. Le diagnostic du cancer du sein se fait d'abord par l'examen physique du médecin qui découvre un nodule ou qui le soupçonne. Il y a ensuite la mammographie qui est également l'examen clé du dépistage. C'est une radio du sein qui va montrer des anomalies sous forme de petites calcifications qui ressemblent à des grains de sable. On peut également s'appuyer sur les données de l'échographie qui va montrer un nodule plus ou moins petit et avec présence de petites calcifications également. Ensuite, on va faire le diagnostic par l'examen au microscope de cellules ponctionnées au niveau de la lésion ou alors après ablation, ça veut dire quand on a enlever le nodule malade et qu'on l'examine également au microscope où on va faire le diagnostic du cancer du sein, déterminer sa nature et déterminer sa gravité. La chirurgie est souvent le premier traitement entrepris pour enlever la tumeur cancéreuse. Docteur Nahayo signale qu'une fois jugé nécessaire, tout le sein peut être retiré. Les méthodes de traitement sont la chirurgie, qui est la seule méthode dont on peut disposer au Burundi. Mais malheureusement, la chirurgie seule ne suffit pas. Il faut adjoindre la radiothérapie. On envoie des rayons d'un certain type sur le sein et sur les zones avoisinantes où on peut trouver des ganglions atteints. Ça veut dire au niveau de creux de l'aisselle, au niveau du cou. On va envoyer dans ces zones des rayons qui vont détruire les lésions résiduelles après la chirurgie. On doit adjoindre en général la chimiothérapie. Ce sont des médicaments qui sont assez toxiques, qui tuent les cellules du cancer du sein, mais qui, dans le même cas, peuvent également atteindre les autres cellules. C'est pour ça que je dis que ce sont des médicaments toxiques qui sont difficiles à supporter. Et ces médicaments-là vont être pris sur une période donnée. Selon toujours ce spécialiste, les traitements hormonaux contre le cancer du sein sont administrés sous forme de comprimés. Lorsqu'on a bouclé cette phase de traitement initiale, pour un certain nombre de cancers, on peut donner une hormonothérapie. Ça veut dire qu'on va administrer des hormones qui peuvent être prises toute la vie qui reste. Et cette hormonothérapie est en général un traitement qui évite les récidives. Guérir le cancer du sein dépend surtout d'un dépistage précoce, comme l'explique Dr Nahayo. Dans certains pays où les moyens le permettent, où toutes ces méthodes de traitement sont là et sont conduites par des gens qui sont experts, la guérison peut être observée dans 85-90% des cas. Tandis que lorsqu'on n'a pas à disposition toutes ces méthodes de traitement, lorsqu'on n'a pas assez d'experts, la mortalité du cancer du sein est très élevée. Mais je crois que la guérison n'est pas au-delà de 30. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir dépister le cancer, ça veut dire le découvrir précocement, avant même l'apparition des symptômes, parce que vous savez que toute maladie, et en général, mais en particulier pour le cancer, la découverte précoce est un gage de succès du traitement. Le cancer du sein est le deuxième cancer le plus fréquent au niveau mondial, devant le cancer du poumon, comme le précise le gynécologue Gabriel Nahayo. Toutefois, il souligne que la pratique de l'auto-examen ou palpation des seins permet aux femmes de se responsabiliser et de prendre en charge leur propre santé. Merci, on a la moitié, c'est par cette chronique santé que nous mettons point final à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Alphonse Kugimana pour la mise en onde d'Eli Nibel et Nibigil Ajeté à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.